Bon. C'est pour que vous ne sachiez pas si j'étais pour venir là. Comprends-tu le dire là? Non, c'est pas ça que je te dis. Comprends-tu? Autrement dit, la vibration, je l'ai créée assez juste pour que vous ne soyez pas sûr si j'étais pour venir ou non. Autrement dit, je pars de moi.